One giant choir singing, through the King of Kings we're bringing. La sœur Vanessa, bonjour et bienvenue dans État uni dans la sainteté. Bonjour. Bonjour, Sergio. Ma sœur Sandra Bouffon, bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour mon frère. C'est comment? Ça va. Ça fait longtemps, État uni dans la sainteté. Ça fait longtemps, oui, ça fait longtemps. Mais tu nous as manqué. C'est aujourd'hui que moi je reçois vos appels comme ça. Pourquoi? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais ton Skype, oui, ton Skype était toujours allumé parce que tu ne vois pas les messages qu'on écrit là. Je vois les messages. Les messages viennent et je vois les messages. Mais comme les vendredis là, comme j'étais là et le téléphone a sonné comme ça, ça fait longtemps que... Moi, ça ne sonne pas chez moi, quoi. Et moi, j'ai cru que vous avez voyagé. Comment vont les enfants, Elijah, ton mari? Nous tous, nous allons bien. Nous allons bien par la grâce du Seigneur. Amen. Amen. La sœur Vanessa, tu es en train de conduire. Tu vas où? Je rentre à la maison. Rentre vraiment à la maison, sauf que tu prends la Bible. Ah, la sœur Sandra est là. La sœur Sandra, quoi de neuf aux États-Unis? Qu'est-ce que tu as de nouveau? Je n'ai pas bien entendu. Quoi de neuf? Le temps que notre soeur Vanessa arrive à la maison. Vanessa ne prend pas de contravention de 130 $ là-bas. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Je voulais vous partager quelque chose de rapide, rapidement. Oui. Un songe que le Seigneur m'a donné sur les États-Unis. Oui. Et dans ce songe-là, j'étais partie, c'est comme dans une université. Oui. En ce moment-là, le Seigneur a mis à mon cœur d'aller là-bas et d'aller prêcher en son retour. Donc, j'étais allée et j'ai fait ce que le Seigneur m'a demandé. Et après, le Seigneur m'a fait rentrer dans l'université. Et là, je voulais prêcher à une dame. Elle est de l'Inde. Et là-bas, la dame me disait, elle a commencé à parler français et puis elle me disait que le temps vraiment ici aux États-Unis est tellement mauvais qu'il reste 5 à 6 ans et l'économie aux États-Unis sera en faillite. Et puis elle me disait que même l'eau, on n'aura plus l'eau dans le pays. Donc, que 5 à 6 ans, vraiment, l'économie sera en faillite totalement. Et je me suis réveillée, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que cela veut dire? Le Seigneur me disait que c'est clair, n'est-ce pas, que dans 5 à 6 ans, et là, j'arrête, dans 5 à 6 ans, vraiment, ça, nous avons 5 à 6 ans de vraiment préparer, quoi, que la crise va venir. Et la crise est en cours. Et donc, nous devons ici aux États-Unis, nous avons 5 à 6 ans, c'est ce que le Seigneur m'a dit, 5 à 6 ans de préparer. Et vraiment, le temps difficile, quoi, aux États-Unis. Le Seigneur m'a parlé de beaucoup de choses, donc c'est ça que je voulais. Parle-nous, ma soeur, parle-nous. Sens-toi libre, tu es sur la plateforme de Bamba Iba, donc parle-nous. La soeur Vanessa a dû garer pour entendre ces choses. Elle a pris son cahier. J'espère que tu n'as pas, si tu n'as pas garé là où les handicapés doivent se garer. Un autre songe à propos de la jarrette. Il y a un peu de cela avant que je donne le songe que le Seigneur m'a donné tout récemment. Et le Seigneur m'a montré un gros serpent. Le serpent était vraiment gros et long. Et le serpent avalait tous les bâtiments d'église, quoi. Donc, j'ai vu toutes formes de bâtiments d'église que je peux me rappeler, les catholiques, les toutes formes de bâtiments, comme toute religion. Et le serpent était énorme. Le serpent a avalé tous ces bâtiments-là. Et je me suis réveillée, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que cela veut dire? Le Seigneur me dit que c'est l'écume, comment on appelle ça? Les religions qui vont L'écuménisme. s'unir. Donc ils vont Et entrer dans le ventre du serpent, le serpent va les contrôler. le serpent va les contrôler. C'était disgusting, comme on disait en anglais, à voir, quoi. C'était horrible, quoi. Le serpent qui avalait toutes ces églises-là. Et son ventre même n'est pas même pas gros. Donc, j'ai dit que, oh, wow. Et l'autre fois, le Seigneur m'a fait montrer, j'ai eu un songe. Et je crois que le Seigneur voulait que je partage ces choses-là parce que je méditais, c'est ma Bible devant moi. Je suis allée déposer. L'autre fois, j'ai vu, c'était en Bénin. Et le Seigneur m'a montré en Bénin. Il a montré une dame. Que Ça, comme ça, c'est la au, ça, femme. ça, c'est au Bénin maintenant. Ça, c'est au Bénin. C'est au Bénin, là, Ne bouge pas ton appareil pour que le son ne parte pas, parce que ton son fuit de temps en temps. C'est ça, n'est-ce pas, Vanessa? Tu suis la même chose. Et pardon. Son, tu entends son son qui fuit de temps en temps, n'est-ce pas? Oui, légèrement. Ok, ouais, vas-y, passer au Bénin. Nous sommes au Bénin. Ok. Donc, Lily, can you give banana to Elijah, please? Donc, et tout récemment, le Seigneur m'a donné ce songe et c'était en Bénin. Et en Bénin, j'ai vu une dame. Elle était habillée comme les prêtres, comme avec leur truc là sur... le truc là sur la croix sur le col sur le la Bible, le bandeau là, je ne sais pas, le truc qui met l'ongle là la tiare, la frange qui met sur leurs habits là, justement. Donc il a et puis j'ai vu la dame, j'ai vu le pape qui mettait qui a mis sa main comme il consacré ordination, comment on appelle ça, consacré, comme lui consacré, justement, la femme consacrée, la femme pour être prête. Et d'un seul coup j'ai ouvert et la femme qui agitait comme on envoyait un esprit bizarre en elle, elle agitait bizarrement, et d'un seul coup j'ai regardé, j'ai vu beaucoup de gens qui sont assis dans le stade qui regardaient ce qui se passait. Et je suis ma figure vers à gauche, j'ai vu un autre prêtre qui s'est assis là. Et je me suis réveillée, j'ai dit, c'est quoi ça encore? Et là, j'ai demandé, le Seigneur me disait que les choses vraiment vont changer. Avec les catholiques, ils vont commencer à faire des choses plus bizarres. Donc, au Bénin, on va voir des choses bizarres là-bas. Donc, moi, parce que moi, je ne suis pas les news et je ne sais pas. Mais c'est ce que le Seigneur m'a montré, quoi. Et là, j'arrête, s'il te plaît. On va arrêter. Et ces songes du Bénin, là, tu l'as eu quand? Ah, j'ai eu ça. Ah, c'est comme la semaine suis passée. Donc, en milieu de mars, en milieu de mois de mars 2018. Oui, oui. Donc, j'ai eu ça. Donc, j'ai demandé au Seigneur, oh, qu'est-ce que c'est que... Mais tu n'as pas entendu une femme au Bénin, qu'est-ce qu'elle s'appelle Dieu le Père, qui consacre son pape. Ce n'est pas une union entre elle et l'Église catholique là-bas qui va se passer ou bien quoi? Ton mari ne t'a pas dit? Sur WhatsApp, quelqu'un qui doit devenir un prêtre, que je lui ai prêché jusqu'à, il est converti maintenant. Et il m'a envoyé comme frère pour te dire. Moi, je n'aime pas regarder les choses bizarres, parce que je dis que je n'aime pas regarder les choses bizarres. Il m'a envoyé la photo d'une femme qui s'est habillée comme prêtre. Et c'était long. Et dans la démarche, c'est important, parce que je lui ai prêché au début de l'année passée. Oui. Et il était catholique. Et le Seigneur m'a révélé les choses, beaucoup de choses sur les catholiques. Et le Seigneur m'a donné beaucoup de choses pour prêcher aux catholiques et j'ai les témoins. Et les témoins de Jéhovah. ça fait quelques semaines. J'ai raconté un témoin de Jéhovah que je me suis sortie comme ça et on a eu des discussions avec les témoins de Jéhovah et le monsieur, je voulais partager sa quick et afin que les gens sachent que il y a des gens parmi les témoins de Jéhovah qui vraiment c'est la révélation de la parole qui peut faire sortir les gens. Et le Seigneur veut que les gens sortent dans les fausses religions parce qu'il est en train de revenir à grande vitesse. Et ces enfants qui sont dans ces religions et doivent sortir. Et nous qui connaissons le Seigneur, nous devons faire notre possibilité pour prêcher aux catholiques et pour prêcher aux témoins de Jéhovah et pour prêcher aux musulmans. Et parce que le Seigneur veut qu'il sorte, il dit que ses enfants sont là-bas. L'autre fois, parce que je vais à la grappe pour prêcher là-bas, et j'ai vu un monsieur, un témoin de Jéhovah. Je voulais donner ce témoignage quick, et puis on va retourner sur le truc là qu'on est en train de parler. Et j'ai vu ce monsieur, et il est à la grappe avec leurs trucs là, leurs papiers là. Il a jamais. Nice. Et avec leur papier, leur watchtower qui partageait. What's up with Elijah today? Elijah, you don't want your mom to donc, do that testimony. Donc, qui partageait. Et j'ai donné mon truc que j'utilisais pour prêcher. Le Seigneur m'a donné les versets pour prêcher de son retour. Donc, j'ai rédigé ça sur les papiers. Je donne ça aux gens. Et quand je lui ai donné, il a dit non. Et puis, j'ai dit que tu es témoin de Jéhovah. Il a dit oui. Et j'ai dit, OK, moi, c'est pas que j'ai quelque chose à contre vous. Mais votre religion est basée vraiment sur les trucs que moi, qui n'est pas conforme aux évangiles. Et il m'a dit quoi? Donc, j'ai commencé à dire que vous, par exemple, vous avez des gens que vous avez formés et vous appelez ça, et il m'a encore donné le nom, que c'est eux, c'est chez eux que vous prenez des nourritures spirituelles. Et moi, je suis against ça parce que la Bible me dit carrément que Jésus est le seul intermédiaire entre nous et Dieu. Le collège central. Le collège central, parce qu'il m'a même répété ça. J'ai dit, comment vous disiez que c'est à partir d'eux et que vous prenez les nourritures spirituelles? Et il a broché cette question. Il n'a pas répondu. Et j'ai continué et j'ai dit que vous disiez que les 144 000 qui sont les peuples d'Israël que le Seigneur a choisi afin d'aller eux aussi qui vont être enlevés et que le Seigneur a choisi. Et vous disiez que ce n'est pas, c'est vous les témoins de Jéhovah qui sont les 144 000. Et moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça, parce que ça, c'est vraiment basé sur la fausseté. Il n'a pas essayé de défendre ça. Il n'a pas essayé. Il n'a rien dit. Et j'ai continué encore là où on a eu une conversation, j'ai dit. Et là, il a réagi. Et j'ai dit, OK, pourquoi vous ne croyez pas à la guérison? Parce que le Seigneur a dit, je vous envoie et je vous donne le pouvoir de chasser les démons et de guérir les malades. Oui. Et jusqu'à maintenant, le Seigneur est en train de travailler toujours. Mais pourquoi vous ne chassez pas les démons et vous ne guérissez pas les malades? Il a dit non. Que ça, c'est dans le passé. C'est dans le passé. Et le Seigneur a fait ça pour un moment. Et j'ai dit, OK, montre-moi ça dans la Bible où le Seigneur a dit que c'est fini. Et il est parti dans la Bible. Oh, c'était dans Colossiens. Il a montré cette partie que l'apôtre Paul. 1 Corinthiens 13, verset 8. Verset 8, oui. Que... Justement. Oui, que les prophéties prendront fin, les langues cesseront, ainsi de suite. Oui. Justement. Et que c'est l'amour qui va rester au fait. Avec l'espérance et la foi. Oui. Et je l'ai dit. Tu sais de quoi l'apôtre Paul parle? Toi, tu dis que tu prêches la parole. L'apôtre Paul dit, si tu prêches et tu n'as pas l'amour, ce n'est rien. Si tu guéris les malades, si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. L'apôtre Paul ne parle pas que du temps présent. Ce que l'apôtre Paul voulait dire, c'est que quand nous serons avec le Seigneur, la fin des temps, quand nous serons avec le Seigneur, c'est l'amour qui va régner. Mais ces choses-là passeront. Parce que nous avons besoin de ces choses-là maintenant. Mais quand tout va être, le Seigneur va revenir, il n'y aura pas de maladie pour guérir quelqu'un. Mm. Il n'y aura pas de prophétie parce que le Seigneur même est là. Nous n'aurons pas besoin de ça. Mais l'amour va toujours être là. L'amour ne sera pas aboli. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Il a dit, c'est intéressant. Je n'ai jamais pensé comme ça. C'est intéressant. J'ai dit, ce que vous disiez là-bas, c'est faux. Le Seigneur a dit, on a vu à travers la Bible que les apôtres ont guéri les malades. Ils ont fait des miracles. C'est ça notre Dieu. Notre Dieu n'a jamais changé. Et il travaille. Et nous aussi, nous devons faire la même chose. Là, il m'a dit, tu travailles pour qui? J'ai dit, je travaille pour qui? Qui t'a envoyé? J'ai dit, non, moi, je travaille pour le Seigneur. Et puis, il a dit, ok, mais pourquoi toi seul, tu crois que tu peux atteindre tout le monde? C'est pourquoi nous sommes organisés et nous sommes le seul à prêcher. J'ai dit, non, les mormons font la même chose. Les mormons font la même chose que vous faites. Il a dit, mais ils n'ont pas Christ. J'ai dit, mais la vérité, nous disons la vérité que c'est ce que nous voulons. C'est pas prêcher la parole pour prêcher. Mais nous devons dire la vérité. Et je lui ai dit, le Seigneur a dit que je peux utiliser un seul homme dans la Bible pour atteindre des nations. Est-ce que vous croyez? Il a dit. Et puis j'ai dit que c'était parce que c'est un blanc. Un blanc américain. Et I said that it was very nice to talk to you. Et j'ai dit que je vais revenir pour qu'on parle sur la divinité de Jésus-Christ et qui est Jésus. Parce que la vie éternelle, c'est de connaître toi le seul vrai Dieu. Et si nous ne le connaissons pas, ça, nous sommes vraiment. Je suis retournée, je ne l'ai plus vu. Donc, ça ne pas. Et oui, donc c'est ça. Maintenant, nous allons retourner sur le ma soeur Sandra, attends. La soeur Béatrice, bonsoir et bienvenue dans État Unis dans la CTT. Tu es au volant, ferme ton micro s'il te plaît. On écoute d'abord la soeur Sandra. Tu peux le faire? Can you please switch your mic? Thank you. Allons-y, ma soeur Sandra. Ok, c'est un monsieur qui travaillait pour mon mari. Et il est catholique. Et on a fait des conversations. Et il a dit qu'il parlait de la Trinité. Alors que quand on parle de la Trinité, moi, je deviens furieuse, quoi. J'ai dit, non. Ok, attends. Et je lui ai commencé à faire l'étude biblique avec lui. Et je lui ai montré de l'Ancien Testament jusqu'à... dans le nouveau, je lui ai parlé de comment je lui ai donné des versets bibliques, les choses que le Seigneur Yahweh a dit dans l'Ancien Testament, les choses que Jésus a dit, je lui ai donné. Et il était vraiment. Et je lui ai parlé de baptême par l'immersion, pourquoi nous devons faire ça. C'est un prêtre catholique. Un prêtre catholique qui vraiment il a quitté le catholique et je ne sais pas pourquoi il a quitté parce qu'il ne m'a jamais dit le pourquoi mais il a quitté mais c'est un prêtre et c'est un blanc également c'est un blanc aussi non c'est au pays c'est un homme au pays qui travaille pour mon mari au pays et j'ai parlé avec lui parce que j'ai su à parler avec lui j'ai su que et il est un catholique. C'est là que j'ai commencé la conversation. Il croit vraiment en Marie et j'ai parlé sur les trucs de Marie, comment même le Seigneur a refusé la doctrine de Marie dans la Bible à plusieurs reprises. Nous pouvons voir ça, que le Seigneur même attend, que Dieu savait que les gens vont prendre Marie et l'adorer. Et nous avons parlé de la de Diane, la reine du ciel, et nous avons parlé de beaucoup de choses, et ce monsieur est délivré. Ce monsieur reconnaît que Jésus est Dieu aujourd'hui. Ce monsieur a rejeté, même jusqu'à, il m'a dit, est-ce que tu peux écrire un livre pour ce que tu m'as dit, tu as rédigé dans le test message. Est-ce que tu peux écrire ça parce que je veux que les gens attendent ça. J'ai dit que toute la gloire soit rendue au Seigneur. Parce que c'est le Seigneur même. Je dormais et le Seigneur, oh, que la gloire soit rendue au Seigneur. Parce que moi-même, hein, en tant que moi-même, j'ai fait... J'étais catholique avant, sortie de catholique, 7 ans avec les témoins de Jéhovah. Et j'ai refusé, j'ai refusé de me baptiser parce que je me sentais tout mal. Et quand je suis sortie, il y a un pasteur qui était venu ici et il y a une de mes amies qui m'a présenté au pasteur. Comme moi, j'étais les témoins, j'ai resté avec les témoins, je ne crois pas aux choses du pasteur du tout. Et quand le monsieur là m'a vu, il a dit, toi, tu cherches Dieu. Tu cherches Dieu et Dieu veut se révéler à toi. Tu es en train de chercher Dieu. En ce moment même, c'était vrai. Et je suis partie au lit, j'ai dit, Seigneur, je veux que tu me parles. Il faut que vraiment je suis dans la confusion. Montre-moi qui tu es. Et je dormais, j'ai attendu la voix du Seigneur. Il a dit, My name is Yahweh. And it means Adam. Me and Jesus, we are one. Et j'étais sainte avec Elijah. Et j'ai dit non, parce que moi je ne savais pas que son nom Yahweh veut dire I am, je suis. Et quand j'avais appointment, j'étais partie avec mon téléphone, j'ai Google Yahweh pour voir le livre. C'était I am. Et j'ai dit, oh my goodness, le Seigneur m'a parlé. Et quand je me suis retournée à la maison, j'ai commencé à prier, j'ai dit, Seigneur, parle-moi. C'est là, il a commencé non seulement à me parler, mais à m'enseigner sur les choses, à m'enseigner sur les choses. Et je peux dire à haute voix que le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur revient bientôt parce qu'il m'a montré ça dans un songe. Et dans ce songe-là, c'est là lui-même sa gloire était descendue sur moi. Et le Seigneur revient bientôt. Et à ce moment-là, le Seigneur a commencé à me parler dans les songes, à me montrer les versets sur sa divinité. Moi, le Seigneur m'a enseigné sur sa divinité. C'est pas... Il m'a enseigné avec des versets bibliques et vraiment appuyé sur ça, comme l'autre fois. Oh, que la gloire soit rendue au Seigneur. L'autre fois, je méditais parce que je prenais le temps. Nous, les chrétiens, méditons, prenons le temps. Quel qu'à soit, moi, avec 4 enfants, ce n'est pas évident. Mais quand même, je prends le temps pour méditer la parole. Et je méditais la parole comme il m'enseignait toujours sur sa personne. Je méditais la parole et il m'a donné Ésaïe. J'ai écrit ça, je vais, parce que je veux partager ça afin que les gens sachent que vraiment le Seigneur, il est Dieu et il n'y a point d'autre à part lui vraiment. Il n'y a pas d'autre à part lui. J'ai écrit afin que je ne peux pas oublier ça. Parce qu'il me parle comme ça. Toujours, il me parle. Je vais donner le verset afin que mes frères et sœurs. Il m'a donné Ésaïe 45, verset 21, 23. Et là où le Seigneur dit qu'il y a un seul Dieu et il n'y a point d'autre et il est le sauveur et qu'on n'a qu'à lui regarder que c'est lui qui sauve. Et il a dit que à mon nom tout genou fléchit et toute langue confessera que je suis Seigneur. Et en Philippiens 2 verset 9 à 11, là on parle de Jésus. Et on nous dit que en son nom, tout genou fléchit au ciel, sur la terre et sous la terre. Là, tu as compris que Jésus était Dieu. Oui. Mais comment les gens ne parviennent pas à comprendre ça alors? Moi, je ne sais pas parce que l'autre fois, parce que le Seigneur m'enseignait toujours, mais l'autre fois, quand je méditais, Et mon frère, quand le Seigneur m'a révélé ça, parce que il m'a dit, ouvre la Bible, va à Ésaïe, je suis partie. Et mais pas comme ça. Moi, c'est une grâce et je remercie le Seigneur pour cette grâce. Et il m'a commencé à enseigner. Et là, j'ai dit, Seigneur, quand j'ai lu Philippiens, j'ai dit, Seigneur, donc s'il y a un autre Dieu à part toi, donc son genou aussi fléchit devant toi au ciel. Parce que c'est quelque chose que moi, je n'ai jamais pensé. Il a dit, parce que je suis Dieu. Et nous devons savoir que l'évangile, c'est Jésus. L'évangile, c'est Jésus. Et les gens doivent comprendre que Jésus est Dieu parce que c'est ça qui met beaucoup de confusion, qui crée beaucoup de confusion, beaucoup d'églises. Et les gens sont dans la confusion. Les gens ne savent pas, même pas prier. À cause de ça, les gens ne sachent pas. Oh, est-ce que je dois prier le Père ou le Fils ou bien Le le Saint-Esprit. Saint-Esprit? Donc, moi, frère, je ne savais pas prier avant. Mais quand le Seigneur s'est révélé à moi et il m'a commencé à enseigner sur sa divinité, moi, j'ai dit à la personne, parce que le Seigneur m'a appris beaucoup, beaucoup sur sa divinité. Non, il m'a donné des explications qui peuvent sound weird, but it's just amazing. Il utilise des choses simples pour me dire, pour me parler de sa divinité, comme dans Jean 1, à partir de verset 1, là où on a dit que et la parole était avec Dieu, la parole est Dieu. Le Seigneur me disait, que moi je suis la parole de Dieu et toi Sandra. Et puis il m'a dit, toi Sandra, si tu appelles quelqu'un ou si tu laisses un message sur le voice, comme par WhatsApp sur quelqu'un, la personne va te prendre pour quelqu'un d'autre, c'est pas toi-même, Voilà. c'est ta voix, non, c'est toi-même, non, c'est la même chose. Mais pour venir chez vous, vous écrivez des lettres, non, et moi, mais pour venir chez vous, là, je dois utiliser un corps. Ma parole doit prendre corps. Et j'ai pris corps. C'est comme ma parole a pris corps et c'est venu entre vous. C'est moi-même. Ça, c'est ce qu'il t'a Et expliqué. c'est ce qu'il m'a expliqué. C'est ce que le Seigneur m'a expliqué. C'est ce qu'il m'a expliqué. Que la parole, que c'est lui la parole. La parole, donc, quand on dit que Jésus est la parole de Dieu. Mais il m'a dit, est-ce que toi tu es différent de ta parole? J'ai dit non, Seigneur. C'est là il me disait, si tu prends ton WhatsApp là et tu laisses le message sur vocaux pour quelqu'un, quand la personne entend la voix, c'est toi, non? J'ai dit oui, Seigneur. Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? J'ai dit non, Seigneur. Et c'est là il a encore dit, ok, c'est bon. Maintenant moi, si vous allez envoyer des messages quelque part. Vous prenez des papiers pour écrire, non? Moi, je suis esprit, mais je dois faire un travail parmi vous. Donc, mon papier, c'est de prendre un corps et venir et faire ce que je dois faire. Donc, c'est moi-même qui est descendu. Il n'a pas, et il m'a dit, je suis Dieu et je fais ce que je veux. Il m'a encore dit, vous voyez, je vous ai créé en trois parties. Et j'ai dit, Seigneur, il a dit, je t'ai créé esprit, corps et âme, n'est-ce pas? J'ai dit, oui, Seigneur. Mais est-ce que tu es divisé? J'ai dit, non. Il a dit, moi aussi, c'est moi, je vous ai dit que je vous ai créé à mon image, non? J'ai dit, oui. Il a dit, mon âme est la partie que vous ne voyez pas. Mon âme est la partie que vous ne voyez pas. Mon corps, c'est Jésus que vous avez vu. Et mon esprit, c'est le Saint-Esprit. Il m'a encore expliqué ça. Mais est-ce que toi, tu es divisé en trois parties? J'ai dit non. Je vous ai bien dit que je vous ai créé à mon image, n'est-ce pas? J'ai dit, mais pourquoi vous me disiez que je suis trois personnes? Je ne suis pas trois personnes. Je suis un et je suis un seul Dieu. Et j'ai dit qu'il n'y en a pas d'autre à part moi. Et là, il m'expliquait. Si vous ne me connaissez pas qui je suis, là vous êtes foutu. Vous êtes foutu. Vous êtes foutu. Et quand le Seigneur a commencé à m'enseigner et sur sa divinité, frère, comment je priais a changé. Ma façon de prier a totalement changé. C'est-à-dire, avant, étant catholique, avant des années, et on est divisé, le Dieu le Père, le Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Maintenant, les témoins disent que Yahweh, 7 ans, imaginez, 7 ans avec les témoins, j'ai refusé de me baptiser, ils ne savent pas pourquoi. C'est comme le Seigneur m'a dit que toi, tu étais là-bas pour aller évangéliser les témoins. Donc, tu es appris là-bas, tu vas aller. Et tu vas parler de ma part. Donc, à 7 ans, je ne savais pas ce que je faisais là-bas. J'étais contre eux dans tout ce qu'ils font. Et tu étais toujours ils là-bas. Ils m'ont trouvé rebelle même. Donc, je ne savais pas. Même quand ils chantent, j'ai la vertige et tout. Je ne savais pas. Mais avec, j'ai compris. Et le Seigneur m'a fait ouvrir les yeux sur les religions. Mes frères et sœurs, nous devons savoir que derrière toute religion, il y a des esprits. Parle-nous donc, parle-nous donc de cela en profondeur. Et des esprits occultes qui travaillent. Et le Seigneur m'a montré et l'église de catholique. Là, le Seigneur m'a déguisé pour rentrer dans l'église des catholiques. Et j'ai vu les papes qui faisaient un signe à la nuque des gens qu'il consacrait. Et je suis rentrée dans l'église avec eux. Le Seigneur t'a déguisé comment, ma sœur Sandra? Toi, tu vis ta vision seule. Explique-nous en détail. C'est pas ça, la sœur Béatrice. La sœur Béatrice bouge seulement la tête. Avant que le Seigneur m'envoie là-bas, le Seigneur a placé un signe sur moi, sur mon front. C'est avant. Mais quand j'étais rentrée dans le vision, on a couvri le signe pour que eux, ils ne savent pas qui je suis. Donc on m'a couvri parce qu'il y a des choses qui se passent spirituellement que parce que j'ai eu frère vous non ne parle pas ne parle pas de ça ne parle pas ça va parler ça en privé. Oui, et quand tu es entré maintenant avec ce signe là couvert étant déguisé et quand étant déguisé qu'on a couvri on a couvri le signe pour que eux ils ne voient pas ce que je suis. Nous sommes les enfants de Dieu. Donc, on est rentré. Quand je suis rentré là-bas, j'ai vu la pape qui faisait un signe à la nuque. Oui. À la nuque des gens qu'il consacrait. Et là, eux, ils ne peuvent pas me voir. C'est bizarre. Je me suis déguisée. Je me suis rentré en eux jusqu'à on est rentré dans leur. En le church. Oui. Je suis rentrée dans le bâtiment. Là, je me suis assise parce que je suis censée jusqu'à aller où? Dans le lieu secret. Dans le lieu secret. Mais bizarrement, frère, quand je me suis assise, il appelait les noms des gens. Mon nom n'était pas sur le truc. Mais quand il voulait appeler mon nom, ils m'ont appelé Lumière. Mais au fait, quand il quittait pour aller, j'ai refusé dans le songe et c'est là que j'ai dit je ne veux pas d'idolâtrie, je ne veux pas. Et de ce qu'on m'a montré un grand écran, parce que je dois aller voir, comme j'ai refusé dans le songe, que j'ai dit que je ne veux pas aller faire une idolâtrie, on m'a ramené un grand écran. Dans l'écran, là où ils vont aller mettre leur main pour faire leur prononcer leur truc là de consécration. En bas du truc, on m'a fait ouvrir, dans les camps qu'on m'a amené, on m'a fait ouvrir une porte. J'ai vu un grand serpent qui tenait sur sa queue et la tête qui fait bam comme ça, qui tournait comme ça. Et là, je me suis réveillée. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que c'est que ça? Le Seigneur, l'esprit qui est cette religion catholique. Oui. Quand c'est parti là-bas, quand les choses que c'est, quand on les ordinait, ce n'est pas moi qui est à base, mais c'est cet esprit de serpent qui se tenait sur eux. Cet esprit qui imposait leur main. Ça, c'est pour les catholiques. Mm-hmm. Maintenant, pour les croyants. Attends, ma soeur Sandra, il y a quelqu'un qui vient de se connecter. Là, c'est la soeur Elena. Soeur Elena, quand vous connectez, coupez le micro parce que tu as des bruits là-bas. On est en train de suivre quelque chose ici, des révélations. Coupe le micro d'abord. On va y venir. Voilà. Je ne me vois même pas. Oui, coupe d'abord le micro. Coupe d'abord le micro. Même si tu ne me vois pas, coupe le micro. On va se voir plus tard. Voilà, coupe le micro. Oui, ma soeur Sandra. Le catholique, c'est fini. Donc, au-dessous de l'hôtel où il était consacré, il y avait un gros serpent qui se balançait. Il se tenait sur sa queue. Oui. Vous pouvez imaginer, le serpent ne rampait pas. Oui. Le serpent était debout sur sa queue. Oui. Tout long comme ça. Et la tête qui tournait comme ça. Oui, et le pape voyait cela et le pape voyait toutes ces choses qui se passaient. Il savait ce qui se passait. Moi, on m'a montré ce qu'ils allaient faire. Parce que l'hôtel là, parce que c'est comme un hôtel. Oui. Ils allaient mettre leurs mains pour faire leur truc là. Oui. Mais c'est en bas de l'hôtel, il y a une petite porte qu'on a ouvrie. Oui. Et c'est cette porte là qui est en bas sous l'hôtel. Oui. Qu'on m'a fait voir les clans, ce qu'ils vont aller faire. Parce que je suis censé d'aller là-bas. Oui. Pour aller assister à tout. Mais j'ai refusé d'aller, j'ai dit que je refuse l'idolâtrie, mais on m'a fait venir, comme j'ai refusé, le Seigneur a fait venir les clans devant pour que je puisse voir ce qui se passait là. Et quand tu as vu ça, quelle était ta position? Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as vu cela sur l'écran? J'étais effrayée et non seulement effrayée, mais j'étais troublée. J'étais troublée parfois. Si j'ai des songes comme ça, je restais presque toute la journée troublée. Et le Seigneur m'a appris ça. Et quand je disais, Seigneur, pourquoi je suis tellement effrayée après ces choses-là, c'est là où il m'a fait lire le book d'Ézéchiel. Ou comment Ézéchiel était quand il voit des songes comme ça, lui aussi là. Exact. Il était choqué. Donc c'est là que j'ai dit que c'est normal au fait. Mais les papes savent, avec les prêtres, ils savent qu'ils servent le dragon et le grand serpent. Ils savent ça, ils sont conscients. Mais ils allaient. Reviens-nous, Sandra, reviens-nous. Tu nous entends, n'est-ce pas? Please come back. Come and tell us. Oui. Donc ils savaient ce qui se passe. Ils savaient parce qu'ils allaient. Ils allaient. Moi, on m'a fait montrer ça, mais ce que je vois, c'est que ils doivent savoir parce que le fait qu'ils faisaient le signe là déjà sur la nuque des personnes qu'ils consacraient. Et le signe là servait à quoi? Qu'est-ce que le signe qui faisait sur la nuque des évêques, les archevêques qu'ils consacraient, ça servait à quoi? Au fait, dans le songe, frère, attendez un peu, je vais dire à mon mari que je suis connecté, c'est lui qui m'appelait. Oui, le temps que je dis bonjour là à la soeur Béatrice. Allô? Can you please close your microphone before saying to your husband? Please close your mic first, okay. Then speak to your husband. Let me say hi to those women of God who are connected to listen to the gospel. La sœur Béatrice, bonjour et bienvenue. Shalom, shalom, shalom à la famille. Tu as garé ta voiture quelque part dans un parking pour ne pas rater cette séance. You are on your way to work or you are on your way to the house? I just came back. Okay. But you are not yet at home. Not yet. You said that you have to be stable there and understand and listen to what is going on here. Yeah, I just packed my car. Yeah. I hope your door is closed. It's well closed. Yeah. Une autre célèbre qui a on l'appelle Elena. Elena, bonjour du côté de Maryland. Voilà. Elle sait qu'il y a la matinée chez les anciens. Elle ouvre le micro là, ça va beaucoup babader. Sister Sandra, are you back? Have you finished with your husband? Not yet. Your mic is closed. Yeah, it is open now. Okay. Tell us. Your mic is closed again. You have closed your mic. Just click on it. Not yet. Not still. Vérifie ton micro. Vérifie ton micro. Voilà. C'est bon. Voilà. Donc, c'est bon. Donc, oui. Donc, à quoi servait ces marques là qu'on mettait derrière le dos? Moi, je ne savais pas. Parce que au fait, ce que moi j'ai su, c'est que eux aussi, ils marquaient leurs gens. Mm. Le diable aussi marque ses gens. Mm. Et je crois qu'ils ont des missions aussi. Mm. Donc, comme nous aussi, nous sommes marqués par le Seigneur, eux aussi, ils sont marqués. Mm-hmm. Et je crois que moi, je crois que le Seigneur a fait quelque chose dans ce temps précis. Mm. Peut-être qu'il a marqué ses enfants parce que nous devons savoir que nous sommes à la fin. Et je crois que le Seigneur, peut-être les gens ne vont pas savoir, mais je crois que et je sais que le Seigneur a marqué ses enfants en ce temps-là où j'ai eu le songe. Mm. Et le diable aussi, le Seigneur voulait que je sache que eux aussi sont en mission. Mm. Ils sont vraiment en mission. Mm. Et nous devons savoir que eux aussi, ils sont mandatés, ils sont marqués. Oui. Ils sont marqués. C'est pourquoi. Et je ne vais pas, et c'est pas que le monsieur dont où j'ai prêché le prêtre qui est au il y a des forces, mm-hmm. a des forces occultes vraiment, et si le Seigneur ne t'a pas mandaté pour ces genres de choses, prêcher à ces genres de personnes, il faut bien, parce qu'il y a des esprits vraiment des Belzébul et des tours. Nous parlons de la grande église catholique où les chefs d'État vont se prosterner devant le pape, où tout le monde entier dit que c'est la vraie église parce que elles sont, c'est l'église du Seigneur Jésus-Christ. Les papes sont en blanc, tout le monde est bien, c'est bien raffiné là-bas. Mais là, tu dis que c'est le serpent qui sert. Il y a un gros serpent qui était sur sa queue. C'est le serpent. Mm. C'est le serpent qui est derrière toutes ces choses-là. Mm. Et je rends gloire au Seigneur parce que je crois que le Seigneur veut que ses enfants écoutent quelque chose aujourd'hui, afin qu'il sache que il y a des religions vraiment que lui, au fait, il n'est pas dans ces genres de choses. Religion, il n'est pas du tout. Quittons le catholicisme maintenant pour toucher autre chose. Tu voulais parler tout à l'heure dans tes propos, tu as dit que les religions, il y a des esprits impus derrière les religions. Tu ferais alliance. Il y a des esprits derrière les religions. Mm. Premièrement, je vais faire un témoignage. Mm. Quand je suis sortie dans le témoin de Jéhovah, quand le Seigneur a commencé à m'enseigner et vraiment à m'éclairer sur les choses, il y a une femme aussi qui était venue chez moi. Elle était témoin de Jéhovah. Elle était de mon pays et elle est venue. Et elle disait que vraiment, elle a trouvé vérité sur témoin de Jéhovah. Et elle voulait savoir que moi aussi, est-ce que j'ai trouvé quelque chose que j'étais sortie. Mm. Donc, c'est là où j'ai commencé à lui prêcher. Mm. Maintenant, on est arrivé, elle a compris les choses. On est arrivé sur les 144 000. Mm-hmm. Elle a commencé à débattre. J'ai dit, mais pourquoi? J'ai dit, Seigneur, pourquoi? Là, le Seigneur m'a ouvert les yeux dans la nuit. Mm-hmm. Et j'ai vu un esprit qui l'a qui marchait derrière elle, mm-hmm. en fait. Et le Seigneur m'a fait comprendre que c'est un esprit de témoin de Jéhovah. Oui. Donc cet esprit-là, si je ne prie pas, elle ne va jamais comprendre mm-hmm. ce que je dis. Donc j'ai vu l'esprit qui était derrière elle, qui ballottait avec elle. Je me suis réveillée, j'ai commencé à prier. Après avoir prié, frère, on a eu la même conversation, oui. Elle a compris. Oui. Donc, j'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce que cela veut dire? Ok, après, quand le Seigneur m'a montré les choses des catholiques, le Seigneur m'a fait rentrer dans les témoins de Jéhovah, dans leur bâtiment. Mm-hmm. Là, je me suis assis avec les témoins de Jéhovah et je posais une question à un sur le collège central. Oui. Et le monsieur, je disais que c'est le Seigneur qui est le vrai intermédiaire entre nous. Et le monsieur me disait, tu sais, je sais, mais je ne peux pas rien dire. C'est comme si je ne peux pas aller en arrière. Mais moi aussi, je pose ces genres de questions. Donc, il était conscient du fait que ce qu'ils enseignaient était faux. Il était conscient. Oui, mais là, il devait faire marche arrière. Donc, ce que le Seigneur voulait me dire, le Seigneur voulait me faire comprendre que si nous parlons, il y a des gens qui ne comprennent les choses, mais qui sachent qu'il y a des choses qui sont bizarres, mais quand même, ils prennent leur bague et le truc là pour aller prêcher d'autres. Mmh. Donc, nous devons parler. Mmh. Et frère, quand je me suis sorti du bâtiment, le Seigneur m'a dit de retourner mon visage au côté gauche. Mmh. J'ai retourné mon visage J'ai vu un grand hibou sur le bâtiment. Et puis je me suis Ça, c'est le bâtiment qu'on appelle les salles de roi de témoins de Jéhovah. Justement, les témoins de Jéhovah. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que cela veut dire? Le Seigneur m'a dit, ah, ça c'est la sorcellerie dont je te parlais. Les religions là, ils ne me connaissent pas. Et le Seigneur m'a dit, Sandra, écoute seulement. Les religions que moi je ne suis pas dedans, et sachez clairement que c'est Satan qui gouverne et il y a des forces occultes, des autorités et des principautés qui gouvernent ces gens d'église. Et si vous allez, vous serez possédé. Et c'est là où le Seigneur me disait, pour prêcher à ces gens-là, il faut que tu sois mandaté. Parce que si tu n'es pas mandaté, tu ne peux pas. Parce que ces gens-là, il y a des esprits. Des esprits vraiment qui sont derrière ces religions. Mes frères et sœurs, réveillons-nous. Avant d'aller quelque part, poser des questions. Le Seigneur m'a parlé l'autre fois des luthériens. Le Seigneur me parle des églises. Hein. Il m'a parlé des luthériens. Là, dans mon songe, on m'a fait venir un map. Le map. Map, c'est le truc de la planète là. Le globe terrestre. Oui, on m'a fait sortir le globe, mais on m'a fait sortir un pays du globe. Et on m'a fait venir ça sur mon téléphone. Et j'ai vu sur le map, j'ai vu Norvège. Et j'ai vu comme une ligne, comme qui amenait, c'est comme ma main qui amenait, comme le soleil là-bas. Et j'ai dit, ça c'est quoi ça? Et je me suis réveillée. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu m'as montré Norvège, le pays de Norvège? Qu'est-ce que cela veut dire? Parce que dans le songe, je dois aller étudier. Donc je me suis réveillée, j'ai dit, mais c'est quoi ça? Et je me suis couchée au salon vers les 1h là. Et le Seigneur m'a dit, il faut aller faire recherche sur leur religion. Et je suis partie, j'ai googlé sur le Norvège. Voilà, il me parle des luthériens. Le Seigneur m'a dit, bingo. Maintenant là, tu vas aller. Tu vas voir quelle doctrine, ils sont quoi et toutes ces choses-là. C'est là le monsieur là dont je vous ai parlé, que j'ai prêché jusqu'à maintenant. C'est lui qui veut annoncer que le Seigneur est Dieu. Donc, j'ai dit, comment je peux... Les luthériens, ils sont qui vraiment et tout et tout. J'ai commencé à faire des recherches sur eux. Et j'ai vu qu'ils sont les branches des églises catholiques et tout. Et quand j'ai vu sur leur... Le Seigneur m'a dit d'aller et regarder dans le pays. Et quand j'ai googlé ça, j'ai vu beaucoup de montagnes. Frère, après avoir j'ai vu ces choses-là, j'ai dit, ok, je me suis couché parce que je ne mets pas les dots ensemble yet. Quand je me suis couché, le Seigneur est venu, il a dit, ces montagnes que tu vois là, Dios. Et je me suis sauté, j'ai dit, Dios. Seigneur, qu'est-ce que tu voulais dire? Il a dit, ce sont des déesses. Pourquoi? Donc, comme ça, j'ai dit, ok, comme le monsieur là, il était prêtre, il sait beaucoup, c'est philosophe et tout, les choses là. Donc, il doit savoir des choses. Oui, il est dans toutes ces choses là. Je lui ai dit, je lui ai appelé, j'ai dit, qui sont les luthériens? C'est là, il a dit que les luthériens, ce sont des gens qui croient qu'avec la foi, nous sommes sauvés. Donc, ils n'ont pas besoin de croire ou quelque chose ou d'autres là. Ils croient qu'avec la foi, quand tu as la foi, tu es sauvé. Et c'est là qu'il me disait que le Seigneur voulait que tu comprennes ça et que tu fais des recherches. Et en faisant des recherches, le Seigneur m'a donné un verset sur la foi aussi. Et le Seigneur m'a parlé sur la foi et il me disait que ma parole, le verset, le frère, vous allez rappeler de ce verset. Je vais voir si j'ai ça ici. Alors, le verset qui dit que la foi vient de ce qu'on entend. Écoute et de ce qu'on écoute vient de ma parole. Romains chapitre 10 verset 17. C'est ça? Justement. justement. Et le Seigneur m'a dit que ce n'est pas avoir la foi et rester là-bas, mais c'est dans sa parole. Et sa parole, c'est là où on apprend la sanctification. C'est là où on lui reconnaît. Et ces gens-là ne savent rien de lui. Et le Seigneur m'a parlé aussi d'une autre religion qui a été sortie, les orthodoxes. Orthodoxes, oui. Les orthodoxes, et c'est un pays vraiment que j'ignorais que ce pays, Bulgarie, que moi j'ignorais même sur la planète. La Bulgarie. Que le Seigneur. Bulgarie. La Bulgarie. Et le Seigneur m'a montré dans le vision le drapeau avec trois lions. C'est, j'ai cherché le drapeau avec trois lions. Et c'est là que je me suis tombée sur Bulgarie. Et j'ai vu les orthodoxes. Et le Seigneur m'a enseigné sur les orthodoxes. Et il me fallait eux aussi, ils vénèrent toujours Marie et tout. Et tout. Donc, mes frères et sœurs, en global, oui, le temps où nous vivons, oui, le Seigneur veut que nous ayons une relation avec lui. Le Seigneur veut que nous, c'est le moment où nous devons faire savoir aux gens que le Seigneur est Dieu. L'évangile, c'est que Jésus-Christ est Dieu. À part lui, il n'y en a point. Il est le seul sauveur. Et il a dit ça. Donc nous devons veiller sur nous-mêmes aussi en ce moment dernier. Parce que hier, il me parlait des gens, des fausses doctrines. Il me parlait que je devais faire attention. Qu'est-ce qui s'est passé hier, frère? Je suis sortie parce que je prêche aux musulmans aussi. Même un musulman indien a eu une Bible que je lui ai donnée. Il a accepté. Et une autre aussi que j'ai prêché. Et j'ai prêché aussi à un Indien qui est venu ici dans ma maison pour faire comme un inspection. Et ce monsieur était venu. Et le Saint-Esprit me disait de le prêcher. J'ai dit, Seigneur, le monsieur là est un Indien. Moi, je ne peux pas. Le Seigneur m'a dit, tu vas le parler. J'ai refusé. Et voilà, quand je signais le papier d'inspection, il a dit, parce qu'il a vu que nos machines travaillaient bien et tout et tout. Et j'ai signé le papier. Et il m'a dit, oh, tu viens d'où? J'ai dit, je viens du Togo. Il a dit, oh, au Togo. C'est là la conversation était ouverte. La porte est bien ouverte maintenant. J'ai dit, ok, vous êtes d'où? Et il a dit que je suis de l'Inde. Vous êtes de quelle religion? Il a dit, catholique. J'ai dit, catholique. Ok, mais vous adorez quoi? Il a dit, nous sommes des bouddhistes dans notre pays. Et j'ai commencé à lui prêcher sur l'évangile, sur Jésus. Et après avoir pu prêcher, il a dit, madame, je veux que vous priez pour moi. J'ai dit, à propos de quoi? Il a dit que je suis dans ce pays pendant longtemps. Je n'ai pas eu mes papiers. Et la seule papier où j'ai, c'est le working permit. Et nous tous, nous sommes des Américains. Nous savons que working permit, tu ne peux même pas voyager. Hein, tu travailles seulement et tu dois renouveler ça constamment. Il a dit, il a fait plusieurs années ici. Les Américains ont refusé carrément de lui donner. Et là, j'attends de lui donner le papier. Et j'ai dit, oh my vrai. J'ai dit, ok, pas de problème. Ah, je vais prier. J'ai dit, Seigneur, en tout cas, il faut m'aider ici. Hein. Et j'ai prié pour le monsieur. J'ai prié pour le monsieur. Le monsieur m'a quitté. Il a dit, madame, je veux votre numéro afin que si les choses passent bien, je puisse vous appeler. Le monsieur m'a appelé. Après, un mois plus tard, il m'a appelé. Il a dit, madame, je veux que, parce qu'on a risqué la pointe. Il m'a dit, je veux que vous priez encore pour moi. J'ai dit, monsieur, notre Dieu là, il a dit, tu vas aller. Même quand je vais te donner ces choses là précisément, quand tu vas aller, ils ne vont même pas poser beaucoup de questions, ils ne vont pas t'emmerder. Ils vont te donner ton papier, point bas. Il a dit, ok. Et j'ai prié, j'ai dit que le pourquoi le Seigneur a fait ça, c'est qu'il doit mettre les gens qui sont appropriés en ce moment. C'est pourquoi on a risqué Dieu. Il faut aller tranquillement, tout va aller bien. Mm. Oh, lundi, j'étais là dans la soirée. Mm. Monsieur Indien m'a appelé, tout joyeux, tout content à propos de Jésus et ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Amen. Et il a dit que, oh, même, everything that you say, it happened the same way. They didn't even bother me. Amen, amen, amen. J'ai dit que la gloire soit rendue à Jésus-Christ et je vais t'enseigner ensuite. Qui est Jésus vraiment? Et la conversation était arrêtée comme ça. Et hier, j'étais sortie. Oh my goodness. Je suis partie dans un magasin et j'ai acheté. Dans sur le comptoir, il y avait une madame musulmane de Somalie. Et je lui ai dit, est-ce que tu connais? J'ai dit, tu es musulman? Et elle a dit oui. J'ai dit, est-ce que tu connais Jésus? Et elle m'a dit que moi, nous le reconnaissons en tant que prophète. J'ai dit non, il n'est pas un prophète, il est Dieu. Et elle m'a dit, blasphème, il est Dieu. Pourquoi vous vous disiez qu'il est Dieu? Il est encore fils de Dieu. Et j'ai dit, regarde, pour nous sauver, Dieu s'est fait chair. Et est-ce que tu sais que quand Dieu t'a créé, Dieu t'a appelé, tu nous sens comme ses fils. Est-ce que tu sais? Nous sommes les fils du Seigneur. Et quand le Seigneur était descendu pour nous sauver, parce que c'est nous qui avons péché, il veut restaurer les choses là. Restaurer ce que Adam a perdu. En tant que fils, il est devenu fils lui-même. Et il a marché avec nous. Et il a fait son travail. Et elle était comme ça. Et j'ai dit, est-ce que je peux avoir ton numéro? Elle a dit, non, je suis au travail. Elle était tellement étonnée parce que je voulais insister tellement parce que je veux qu'elle comprenne. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit cela. Je suis rentrée dans la voiture. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que c'est que cette question qu'elle m'a? Je rencontre des musulmans. Personne ne m'a pas demandé comme ça. Il y a la personne qui a pris la Bible. Lui, il a seulement dit que nous croyons qu'il est Dieu. Et le monsieur là s'est tué. C'était au gaz station. Et c'est lui qui vendait au gaz station. Il a fait arrêter tout le monde. Et je lui ai prêché correctement. Et je lui ai donné la Bible. Et il a accepté. Et hier, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que cela veut dire? Je suis partie pour méditer. Le Seigneur m'a fait rentrer dans le passage de Colossiens. J'ai écrit ça. C'est vraiment étonnant. Et le Seigneur m'a fait rentrer dans ce passage qui me disait au chapitre 2. Oui, mise en garde contre les fausses doctrines. Oui. Chapitre 2, verset 16-23. Oui. Le Seigneur, ce passage, j'ai attendu ça dans ma tête. Le Seigneur m'a dit, allez, tu ouvres ça. J'ai dit Colossiens. Colossiens 2. Et je suis rentré. Le Seigneur m'a commencé à dire, j'ai dit, oh Seigneur, c'est toi qui as parlé. Parce que, au fait, je lis la Bible, mais je n'ai pas de bonne mémoire pour retenir les choses. Donc, c'est lui-même qui envoie les versets comme ça. J'ai attendu, rentre là. Et il me parlait des fausses doctrines. Il me dit, prends garde. Prends garde. Afin que les gens qui ont fait, les gens qui sont dans les philosophies, les doctrines des hommes, ne te tourmentent pas dans la tête. Et là, il m'a dit, je suis Dieu. Et tout à propos de moi est mystérieux. Et tout ce que j'ai fait, c'est dans mon plan. J'ai utilisé stratégie pour vous sauver. Donc, attends-moi bien. Ne rentre pas dans ces choses-là. Et j'ai dit, Seigneur, d'accord. Donc, nous, les chrétiens, il y a des conversations que Satan envoie en purpose. Parce qu'il y a ses agents. Et il rentre dans ces gens-là pour nous parler. Oui. Et nous devons faire très attention. Et parce que Satan peut envoyer des choses bizarres. Moi, je vous exhorte à aller dans Colossiens 2, 16 à 23. Et vous pouvez lire comment le Seigneur a parlé de rester vraiment marcher en lui. De cette chose. lui de ses fausses doctrines. Mmh. Donc, nous devons être en garde, surtout nous qui sommes dans les vrais, nous qui savons que Jésus est Dieu. Satan va envoyer des choses. Mmh. Satan va envoyer ses éléments pour nous déséquilibrer et tout et tout. Mmh. Mais nous devons savoir que la Bible est vraie. Et la Bible, l'auteur, c'est Jésus-Christ lui-même. Et il est Dieu de Genèse jusqu'à Révélation. Amen. Donc nous devons savoir ça. Mmh. Nous devons savoir ça. La Bible parle du Seigneur. Et je voulais dire, avant de terminer, pour laisser le frère parler, oui. Je voulais exhorter mes frères et sœurs que le moment dont nous vivons, c'est le moment vraiment que le Seigneur est en train de préparer son Église. Mmh. Et nous, en tant que l'Église du Seigneur, nous devons nous sanctifier. Nous devons nous préparer. Parce que dans nos textes, quand je parle, je ne dis pas que moi, à commencer par moi-même. Mmh. Dans nos textes, nous disons, oh, le Seigneur ne va pas venir maintenant. Mmh. Mais si quelque chose arrive aujourd'hui. Oui. Parce que la Bible nous dit, que je crois que c'est l'apôtre Paul qui a dit ça, que nous devons être sanctifiés, que le Seigneur même veille sur nous. Oui. Afin qu'il trouve nos corps, nos âmes et nos esprits. Irréprochables. Dans la sainteté. Irréprochables, justement. Donc, ce qui veut dire, il a bien dit qu'il va venir comme un voleur. Donc, il peut venir à tout moment. Nous, les choses, les calculs, les petits calculs que nous faisons dans nos têtes là. Oh, il n'y a pas encore l'antichrist. Oui. Oh, il n'y a pas. Et nous, en parlant ça, je vais mettre ça en parenthèse parce que le Saint-Esprit m'a rappelé ça. Oui. Nous devons savoir qu'il y a des doctrines que le Seigneur me parlait, qu'il disait que le Seigneur est déjà de retour. Oui. Nous devons être éveillés. C'est un grand mensonge de venant de la part du Satan lui-même. Oui. Et nous devons être éveillés, que personne ne nous trompe. Mmh. La Bible est claire, que nos yeux vont lui voir. Mmh. Ce n'est pas un esprit. Mmh. Nos yeux vont lui voir descendre. Donc, la Bible est claire. Hein? Donc, il dit qu'il est déjà venu spirituellement, c'est ce qu'ils disent. Oui. Et il y a des gens même qui disent qu'il est là physiquement. Mmh. Donc, ces deux doctrines-là sont en train de mouvoir maintenant, c'est déjà là. Oui. Donc, nous devons être éveillés. Sans parenthèse, je referme la parenthèse. Oui. Maintenant, mes frères et sœurs, sanctification plus plus. Sanctification plus Saint- plus. Plus et plus. Donc, en clair, qu'on soit violent, n'est-ce pas? Violent. Qu'on soit violent. Dehors, ici, surtout en Amérique, oui. Nos enfants. Nos enfants, moi, j'en ai quatre. Il y a deux qui sont à l'école. Oui. Et les choses, moi, ma fille, ma première fille, revient à la maison avec toujours des pleurs. Les teachers les enseignent les choses sur l'homosexuel. L'homosexualité à l'école. À l'école. Et l'enfant à quel âge? Quoi? Frère, je n'étais pas bien. L'enfant à quel âge? Il est dans quelle classe pour qu'on lui enseigne l'homosexualité? Ah, il est à 7th grade. Yes. 7th grade. Donc encore le primaire. Middle school. 7th grade. Mm. Elle aura 12 ans. Bientôt. Donc, vous pouvez imaginer ça. Et elle peut dire qu'on les enseigne même sur les faux dieux. Mais on n'enseigne pas comme enseignement, mais c'est comme on les imposait ces choses-là, au fait, afin qu'ils croient que ces choses-là sont vraiment des dieux. Les dieux grecs, là. Oui. Donc, nous, ces genres de choses tourmente nos enfants. Parce que j'ai fait un songe où le Seigneur m'a dit la télévision, mes frères et sœurs, veillez sur la télévision. Veillez sur ce que nous regardons. J'étais partie à l'université, j'ai prêché là-bas une autre fois et je suis rentrée la soirée. Le Seigneur me montrait une fille qui disait, oh, je voulais accepter le Seigneur, mais dans ma maison, mon propre père en fait l'autisme dans le salon. Mais quand elle m'a dit ça, j'ai vu quelqu'un qui est à côté de moi qui m'observait. La personne était vêtue en blanc, qui m'observait, était à côté de moi. Et j'ai dit, mais je n'ai pas compris. D'un seul coup, je me suis retrouvée dans un salon. J'ai vu le diable assis dans le salon avec un grand microphone. Microphone. Avec un grand microphone, à par terre. Et il le regardait, il regardait le microphone. Et le monsieur là a commencé à me parler dans une autre langage. Et le monsieur là, Satan ne peut pas nous attendre dans une autre langage que moi je ne comprenais pas physiquement, mais quand dans le son j'ai compris. Et il me disait dans le langage que c'est ça que Satan utilise pour détourner. Quoi? La télévision? Dans le vision, le microphone. Le monsieur me disait, me parlait dans l'autre langage que c'est le truc là que Satan, qu'il est en train de utiliser pour vraiment détourner les gens au fait. Je me suis réveillée, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que le microphone? Le Seigneur me disait, toi aussi, la télé. Je t'avais montré une fois, le Seigneur m'a montré une fois, il a ouvert mes yeux. Je regardais la télé, on faisait des incantations, mais ce sont les artistes qui chantaient. Ces incantations, ils rentraient dans l'eau, ils sortaient des choses bizarres. Et dans le songe, mon mari dit que jamais, jamais, jamais, ils ne vont pas nous initier. Et je me suis réveillée, j'ai dit, c'est quoi ça? Le Seigneur dit, mais il utilise la télé. Je voulais que tu comprennes que ça, qu'ici, en Amérique, ils utilisent les choses, les chanteurs là, pour initier vos enfants, vous-même et toutes ces choses-là. Faisons attention. Moi, c'est prêche où mes enfants, les dessins animés, c'est David, les choses, la Bible et Jésus. C'est ces dessins animés qui regardent. Point bas. Et eux-mêmes, ils sont très contents pour regarder. Parce que c'est nous, les parents, qui devaient imposer ces genres de choses. Ma première fille, les chansons qu'elle écoute, moi-même, j'attends. Si ces chansons-là même sont les chansons religieuses, mais je paie attention. Pourquoi? Parce que moi, je sens les choses. Quand ça ne vient pas du Seigneur, je le sens. Et je la dis, ça là, ça ne vient pas de Dieu. Le rythme est tout là. Écoute. Elle a développé. Même quand elle attend des chansons, elle dit que ça ne vient pas de Dieu. Nous devons prêcher la parole. Moi et mes enfants, maintenant, nous sommes en train d'étudier le book de Noé. Là, le Seigneur nous apprend comment se préparer. Le Seigneur m'expliquait quand moi je les prêchais, mais le Seigneur m'enseignait en même temps. Et le Seigneur disait que nous sommes dans le temps de Noé. Alors que c'est le message, le message que le Seigneur m'a donné pour l'Amérique. Comme dans le temps de Noé. Comme ça, que le fils de l'homme va venir. Les gens seront en train de travailler et tout et tout. C'est ce message que moi, je partage à eux. Et quand on est en train d'étudier le book de Noé, le Seigneur me révélait beaucoup de choses dans le book de Noé. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et le Seigneur m'a fait comprendre que nous sommes dans le temps de Noé. Nous devons prendre nos familles et rentrer dans l'arche. Comme dans le temps de Noé. Les gens riaient, faisaient des manigances contre Noé en disant que, oh, pourquoi tu construis l'arche? Il n'y aura aucune pluie. Et ils sont en train de faire. C'est la même chose qui se passe. Même nous, les chrétiens, nous disons ça. Oh, la pluie ne va pas tomber. Le Seigneur ne va pas revenir maintenant. Mais quand la pluie a commencé, nous avons vu dans la Bible. Comment ça a fait? Retenons-nous. Parce que même si le Seigneur ne revient pas, ce n'est pas notre business. Notre business, là, c'est nous sanctifier et courir et faire la bonne course. Et si quittons le monde et le Seigneur n'est pas revenu, nous savons que nous serons avec notre Père. Amen. Nous avons gagné la course. Amen. Nous avons gagné la course. Donc, c'est mon message. C'est mon message à vous. Que le Seigneur, le nom du grand roi, soit béni ce matin. Amen. Amen. Amen. Soyons violents, n'est-ce pas? Soyons violents. Mm. Soyons violents. Soyons violents. Violent. Soyons violents. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis?